La cérémonie constitutive du comité préparatoire mongol pour la journée du soleil a eu lieu le 7 à Oulan-Bator. Y ont pris part des personnalités et membres de diverses formations, comme le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baektussan 2017, l'école maternelle Kim Jong-suk, l'association Baektussan pour le développement indépendant et l'association d'études des études justées ID de Songun. Le comité préparatoire a décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles en l'honneur de la vie révolutionnaire et des exploits du président Kim Il-sung.